bye. Mon ami est parti sans me dire bye bye. Il m'a laissé tout seul dans cette bataille. Et je prie pour son âme, sans déposer les armes. Mais pourrais-je continuer sans toi? Mais pourrais-je continuer sans toi? Même sens depuis ton absence. Où es-tu mon ami pour me montrer tes pas de danse? Comment rigoler si tu ne fais pas tes blagues nazes, tes phases, tes passe-passe, tes farces? Check, c'est vrai c'est dur mais je ne pleure pas. Du moins je ne pleure plus. Des fois je plie mais je ne casse pas. Et quand j'en peux plus je pense à toi me disant bah toi, bah toi. Alors je lève la tête, ton absence je la supporte. Je suis debout, je suis fort, je ne me laisse pas faire, c'est clair et net. Je relève les défis, les jours des défis. Mes victoires, je te les défis. On n'échappe pas au destin, le temps ne prend pas de vacances. Tous les jours je sème l'amour, tous les jours j'avance. Vis ma vie sans me soucier de ce que les autres pensent. Dans les épreuves, voilà le côté positif et je force la chance. Et je garde la foi, je n'en la perds pas. Certains avouent vaincu, mais je n'en ai pas. Baisse pas les bras, même dans la l'air. Car toi, mes pensées vont vers toi. Ma tristesse nourrit ma rage de vivre. Les épreuves ne peuvent plus me stopper, nous ne sommes que des passages ici. Donc quand nous vivons la vie. Bye bye, mon ami est parti sans me dire bye bye. Il m'a laissé tout seul dans cette bataille. Et je prie pour son âme sans déposer les armes. Mais pourrais-je continuer sans toi? Mais pourrais-je continuer? Depuis deux mois maintenant, je n'ose plus prononcer ton prénom. Que fais-tu à cet instant? J'ai du mal à vivre, tu me manques tellement. D'où tu es, si tu me vois, fais-moi un signe bébé, tu me le dois. Tu me le dois. Le silence s'est emparé de nos vies entières. Toi qui rêves. Je vis l'enfer être entre ciel et terre. Accorde mes prières, j'ai bien assez souffert. J'aimerais tellement te rendre fière. Sans nous dire bye bye. Katiuska est parti sans nous dire bye bye. Rudy est parti sans nous dire bye bye. Bye bye. Bye bye. Alexandre est parti sans nous dire bye bye. Nous a laissé tout seul dans cette bataille. Et je prie pour son âme, sans déposer les armes. Mais pourrais-je continuer sans toi? Pourrons-nous continuer sans toi? Bye bye.